إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، من تأمل وفكر في عظمة مخلوقات الله عز وجل ولطائف صنعه وتعددها وتنوعها واختلافها في الآفاق والأنفس والمخلوقات، يجد في قلبه استحضار عظمة الله الجبار. ومن تفكر في صنعه سبحانه وتعالى في ملكوت السماوات وعلوها وسعتها وعظم خلقها وحسن بنائها ولونها وعجائب شمسها وقمرها وكواكبها وتفاوت مشارقها ومغاربها، يجد هيبة وعظمة لخالقها جل وعلا، فقد أحكمها الله عز وجل خلقا وصنعا. قال تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ومن تفكر وتدبر هذا الصنع العجيب والخلق الدقيق، توقن نفسه أن الله عز وجل خالق كل شيء، لا معبود سواه ولا رب إلا هو سبحانه وتعالى. ومن مخلوقاته العظيمة النجوم التي في السماء، فقد خلق الله عز وجل هذه الأجرام العظيمة والأعداد الهائلة والكواكب المنتثرة في جوف السماء. Chers musulmans et musulmanes, celui qui raisonne et qui médite dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la diversité de sa création, à la fois dans les personnes, les animaux et les créatures, la personne qui médite face à la création d'Allah Azza wa Jal ressentira dans son cœur l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Celui qui médite dans le royaume des cieux, dans le fait que les cieux soient élevés et soient vastes et immenses, la beauté des cieux, la beauté de sa création et de ses couleurs, l'étonnant soleil et l'étonnante lune, ainsi que les étonnantes étoiles, la longue distance qui sépare l'Occident de l'Orient, celui qui médite sur tout cela ressentira la grandeur, l'immensité et la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, et se rendra compte que celui qui a créé tout cela est doté d'une sagesse sans limite. Allah azza wa jalla dit son le sens: êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis il l'a parfaitement ordonné. Celui qui médite sur la création d'Allah Azzawajal, sur sa minutie, se rendra compte qu'Allah Azzawajal est le créateur de toutes choses et que nul autre que lui ne mérite d'être adoré. Et parmi ces immenses créations d'Allah Azzawajal, il y a les étoiles présentes dans le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala les a créées. Leur nombre est extrêmement important. وقد ذكر قتادة كما في صحيح البخاري أن الله عز وجل خلق النجوم لثلاثة أمور. الأول أنها زينة للسماء الدنيا كأنها قناديل تضيء كبد السماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثاني أنها رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع فمنعوا من ذلك. قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين. ومن فوائد النجوم أيضا أنها علامات يهتدي بها الناس في ظلمات ومتاهات البر والبحر. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن زعم في النجوم غير ما ذكر الله عز وجل في كتابه من هذه الأمور الثلاثة فادعى بها علم الغيب كما يفعل المنجمون الكذابون الذين يزعمون أنها تدل على موت وحياة وسعادة وشقاوة وغلاء الأسعار وغير ذلك، فقد أخطأ طريق الحق وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. ولقد جاهل بعض الناس الحكمة التي من أجلها خلقوا، فافتتن بعضهم بالسحرة والمشعوذين والأفاكين بدعوى مكاشفة الغيب والتطلع إلى المستقبل، ولم ينجو من ذلك ولم ينجوا من وراء ذلك إلا التضليل. وقد أبان الله الحق في ذلك بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وافتتن بعض الناس بما يسمونه بالطالع والأبراج والحظ وتحذير الأرواح وقراءة الكف، فأصيبوا بسيل الأوهام وعدم الرضا بالقدر. قال تعالى: أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون. ومن هذا ما يعرف في بعض المجلات ما يسمى الأبراج أو حظك من الأسبوع، يزعم فيه المنجمون أن من ولد في برج كذا فإنه في هذا الأسبوع سوف يخسر، أو من ولد في برج كذا فسوف يربح، إلى غير ذلك من الافتراءات. كل ذلك أيها المسلمون من الشرك الأكبر لما في ذلك من ادعاء علم الغيب، وهو نوع من أنواع السحر والكهانة. فالواجب على المسلم أن لا يقرأ هذه المجلات ولو من باب التسلية، وأن يقاطع هذه المجلات الهدامة للعقيدة إنكارا للشرك ونصرة للتوحيد. شيخ مسلمان ومسلمان، beaucoup de gens ou certaines personnes ont oublié la sagesse pour laquelle ils ont été créés, à savoir d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans ne rien lui associer. Et certains ont été éprouvés et tentés par les sorciers, par les astrologues et les charlatans en prétendant qu'ils connaissent l'invisible ou qu'ils ont le pouvoir de voir le futur. Et ceci n'engendre que l'égarement, chers musulmans et musulmanes. Et ceci n'engendre que le fait de prendre l'argent des gens dans le faux. Allah Azza wa Jal a montré la vérité dans ce sujet lorsqu'il a dit Azza wa Jal, dit: ne connais l'invisible dans les cieux et la terre qu'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rend visite ou celui qui se rend chez un voyant ou un devin, puis lui pose une question sur une chose et croit en ce qu'il lui a dit, aura alors mécru en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes ont été éprouvées et tentées par l'horoscope, d'autres par la lecture des mains, et ils ont été éprouvés par cela en ayant des doutes et en remettant en cause le sixième pilier de la foi, qui est de croire et d'accepter la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est connu également à notre époque, ce qui se trouve dans les dernières pages des journaux et des magazines, appelé l'horoscope, qui souvent est présenté de façon hebdomadaire, dans lesquels ces astrologues menteurs et charlatans prétendent que celui qui est né à tel mois de l'année, celui qui est né à tel moment ou lorsque telle étoile est apparue, alors durant cette semaine il perdra ou il lui arrivera telle ou telle chose, il connaîtra un malheur, ou bien alors celui qui est né ou celui qui a tel signe astrologique connaîtra la félicité cette semaine-là, gagnera de l'argent etc., etc., bien d'autres mensonges qu'il forge sans aucune impunité. Tout ceci, chers musulmans et musulmanes, et ouvrez bien vos oreilles, tout ceci fait partie du grand polythéisme. Car ceux qui disent ces choses-là, prétendent connaître l'invisible. Et ceci est une forme de charlatanisme et une forme de sorcellerie. Il est donc obligatoire envers les musulmans de ne pas lire ces magazines, de ne pas lire ces journaux, même par curiosité, de ne pas acheter ces journaux et ces magazines qui sont destructeurs de la croyance du musulman. Ceci en guise de condamnation envers le polythéisme et pour donner victoire à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, thumma a'lamu ayyuhal muslimun أن علم التنجيم ينقسم إلى قسمين. الأول علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كالاعتقاد بأن من ولد في نجم كذا فسيكون سعيدا في حياته، ومن ولد في نجم كذا فسيكون تعيسا. وحكم هذا النوع من التنجيم شرك أكبر ينافي التوحيد، لما فيه من ادعاء علم الغيب وتعلق القلب بالنجوم واعتقاد أن لها تصرفا في الكون. أما النوع الثاني من أقسام علم التنجيم فهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على معرفة القبلة والأوقات والجهات والفصول الزراعية، وحكم هذا الجواز في مصلحة الناس. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ففي هذا الحديث العظيم من أحاديث الوعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر على وجه التحذير عن ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، المداوم على شربها، أي مسكر كان حتى مات ولم يتب، ومصدق بالسحر، أي المصدق بجميع أنواع السحر ومنه التنجيم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فمن صدق المنجم في ادعائه الغيب بأنه سيحدث كذا وكذا أو يقع كذا وكذا فهو داخل في الوعيد الشديد المذكور في هذا الحديث. Chers musulmans et musulmanes, et sachez que la science des étoiles est de deux sortes. Il y a la première science qui est appelée l'astrologie, celle qui prétend que la situation astronomique, la situation et la position des étoiles a un effet sur les événements présents sur Terre, comme le fait de croire que celui qui a tel ou tel signe astrologique vivra heureux dans sa vie, et que celui qui est né au moment de l'apparition de telle ou telle étoile, ou celui qui a tel signe astrologique, connaîtra la difficulté et le malheur dans cette vie d'ici-bas. Cette forme de science, chers musulmans et musulmanes, est du grand polythéisme qui vient contredire le tawhid, car il y a dans cela la prétention de connaître la science de l'invisible, et il y a dans cela également le fait que le cœur s'accroche aux étoiles, et le fait de croire que les étoiles ont un rôle dans l'administration de l'univers. La deuxième sorte de science en rapport avec les étoiles, qui est le fait de céder et d'utiliser le soleil, la lune et les étoiles pour connaître la direction de la Qibla, pour connaître les heures de la journée, pour connaître les différentes directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et l'est et l'ouest, et également de connaître les différentes saisons. Cette deuxième forme de science est autorisée, car il y a dans cela un bénéfice pour les gens. Et dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu an, authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois types de personnes ne rentreront pas au paradis. Celui qui boit de l'alcool, celui qui coupe les liens de parenté, et celui qui rend véridique la sorcellerie. Dans ce hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il informe et menace trois formes et trois types de personnes, à savoir qu'ils n'entreront pas au paradis. Premièrement, celui qui consomme de l'alcool ou toute forme de boisson alcoolisée, qui la consomme de façon habituelle, meurt dans cet état sans se repentir. Et également celui qui rompt les liens de parenté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la troisième sorte de personne, celui qui rend véridique la sorcellerie. C'est-à-dire celui qui croit vrai les formes de sorcellerie. Et parmi ces formes de sorcellerie, l'astrologie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend une branche de l'astrologie, alors apprit une branche de la sorcellerie. Celui donc qui croit en ce qu'un astrologue prétend comme information en rapport avec l'invisible, celui qui croit aux astrologues et devins lorsqu'ils leur disent que telle et telle chose va arriver, c'est celui qui croit en cela entre dans ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe qu'il n'entrera pas au paradis. Sallallahu azza wa jal an yaj'alana min ahli at-tawhid. Allahumma hina 'ala at-tawhid wa amitna 'ala at-tawhid. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم أعنهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم نصرا معجلا يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.